durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'électricité, celle que nous fournissent nos prises de courant aussi sûrement que coule l'eau du robinet, sans que nous ayons réellement conscience de sa provenance et de son impact environnemental. Nous sommes dans les Vosges, dans la petite commune de Ban-de-l'Abeline, dans l'atelier des fondateurs de Pédale Téwatt. Non, Nicolas Liébeau, bonjour. Bonjour. Voilà, c'était un bonjour collectif. Dans cette caverne d'Ali Baba, moi j'ai envie de présenter ça comme ça parce que ça ressemble quand même furieusement. D'abord, il y a des vélos partout, ça paraît presque évident. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'outillages, de petites vis. Voilà, une caverne d'Ali Baba pour cet atelier Pédale Téwatt. Qui peut commencer par nous présenter Pédale Téwatt, je ne sais pas si c'est une association, une entreprise. Allez, Pédale Téwatt, c'est un petit collectif de deux micro-entrepreneurs qui sommes passionnés d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique aussi beaucoup. Et puis, on a mêlé nos compétences pour devenir fournisseur d'énergie à pédale. Voilà. Fournisseur d'énergie à pédale, ça veut dire que le vélo, par exemple, que je vois là, produit de l'électricité, produit de l'énergie. Il en produit un tout petit peu. Hein. Sur un vélo générateur adulte, on table sur une puissance qui varie entre 0 et 200 watts. On prend une moyenne de 60 watts. Et après, on dimensionne le nombre de vélos qu'il va nous falloir selon ce qu'on a alimenté derrière. Alors, vous dites 60 ou 100 watts, Vincent Foinan. Je pense que beaucoup de nos concitoyens ont beaucoup de mal avec l'énergie. Autant on voit la consommation d'eau, on sait ce que pèse un kilo de pommes de terre, on connaît le prix de la baguette. L'énergie, finalement, on appuie sur un bouton et puis ça, c'est merveilleux, ça s'allume ou ça se met en marche. Votre démarche à Pédale Téwatt, c'est peut-être pas tant, on y reviendra, d'être en capacité de nous rendre toutes et tous autonomes dans nos maisons, mais c'est bien de nous faire toucher du doigt finalement l'électricité, alors pour le coup sans prendre de jus. On essaye de pas d'éviter les courts-circuits, mais c'est vrai que l'énergie on la voit pas, on voit que ces transformations, ces changements d'état, et on en profite largement pour la vie de tous les jours. Donc là on convertit les céréales du petit déjeuner en lumière ou en son qui vibre dans nos oreilles, en passant par le vecteur électrique, qu'on peut mesurer. Et ça va permettre de donner les ordres de grandeur aux gens. C'est pour nous, le premier message, c'est qu'est-ce qu'un watt ? Vas-y, pédale, combien t'en fais ? Alors justement, tiens, un watt, c'est quoi, Vincent Foinan ? Un watt, c'est pas grand-chose. Nico, tu sais par cœur, toi, c'est quoi un watt ? Un joule, on pourrait dire, mais... On se mêle entre les unités de puissance, d'énergie, tout le monde se trompe. Je suis pas le seul, donc. Voilà, ouais. Dans les médias, enfin, dès que tu lis un journal qui recense la production d'un parc éolien, les chiffres sont faux. Et quand on donc le mieux, c'est de le sentir, de faire des watts pendant un certain temps pour obtenir des watts-heures de l'énergie. Mmh. Et puis quand quelqu'un a pédalé 1000 heures, on va le féliciter en lui achetant l'énergie qu'il a fournie. Si on était chez Enercop, on lui donnerait 20 centimes. Ouais. Ça veut dire que l'objectif de Pédale Téwatt, je l'ai dit, ce n'est pas a priori de fournir de l'électricité, même si ça vous permet d'électrifier, d'être en autonomie, notamment sur des spectacles. On verra également que c'est l'occasion aussi parfois d'équiper des mariages, tous les événements festifs, hein, je crois que vous aimez bien la fête. Mais c'est bien de faire comprendre que l'énergie que nous consommons au quotidien est complexe et surtout difficile à produire. Alors oui, effectivement, c'est l'objectif de Pédale Téwatt. En fait, le point commun déjà entre Vincent et moi, c'est qu'on est tous les deux conseillers info-énergie. Enfin, moi, j'ai exercé ce métier. Et on s'est rendu compte qu'avec le public qu'on devait conseiller, on avait souvent des questions qui revenaient et qu'il y avait des incertitudes complètes sur, sur ce que c'est que les watts, qu'est-ce qu'on doit payer, qu'est-ce qu'on peut faire en pédalant sur un vélo, est-ce qu'avec un vélo, avec une petite éolienne ou un panneau solaire, je peux électrifier ma maison. Se pose aussi la question, Nicolas, de l'isolation, où il est aussi question de watts et d'énergie, et tout ça est extrêmement complexe entre les lambda, les U, voilà. Hein, on, exactement. On et est vite perdu, notre, hein. Notre métier de conseiller info-énergie, c'est de vulgariser ces concepts. Et à un moment, on s'est rendu compte que quoi de mieux que de faire pédaler quelqu'un sur un vélo, de lui faire produire 100 watts, 50, 5, ou essayer de faire 200, et puis qu'il se rende compte que tout d'un coup, c'est très dur, qu'il faut appuyer fort, et que là, il commence à toucher du doigt quelque chose qui était totalement abstrait, comme si tout d'un coup, on rendait visible quelque chose qui était invisible. Et c'est parti de cette envie commune de faire comprendre ces choses-là un peu nébuleuses, qui pourtant sont essentielles, puisque l'énergie, elle est présente à tout moment dans nos vies. Et on s'est dit, bon, on va le faire en s'amusant. On est tous les deux musiciens, on aime bien aller à des concerts. On s'est dit, mais pourquoi pas organiser un concert complètement sonorisé par des vélos, et on se passera de groupe électrogène, on peut produire l'énergie où on veut, en haut d'une montagne. Et ça veut donc dire que les festivaliers, ce sont eux qui pédalent et qui produisent l'énergie. Il y a intérêt, hein, sinon les musiciens ils jouent pas. On les briefe avant, on leur dit, si vous avez personne sur les vélos, bah, vous attendez un petit peu, je viendrai dire un mot pour motiver les troupes. Et donc notre travail de fournisseur et gestionnaire d'énergie, c'est de dimensionner les systèmes pour qu'il y ait suffisamment de son par rapport au nombre de publics qui est prévu, et qu'il y ait suffisamment de vélos pour qu'on puisse capter l'énergie du public et la leur renvoyer en musique. On en va lumière. Prendre un petit festival, mettons 2000 personnes avec... C'est déjà voilà. Moyen ça, hein. Petit festival, ils sont 200. Hein. Alors, on va dire ils passent le week-end alors, à leur camion. Un tout petit festival de 200. Allez, 1000, on va faire 1000, on sait faire. 1000, on sait faire. 1000, voilà. Il faut combien de vélos et donc combien de festivaliers qui pédalent? Alors, il y a plusieurs hypothèses dans ce calcul. Ça va être dur de répondre par un seul chiffre. Ça dépend s'il y a du soleil, parce qu'on a des capteurs solaires à côté qui peuvent remplacer 1 à 5 vélos par panneau, quoi. Ça dépend si on nous demande de faire fonctionner la tireuse à bière ou pas. On a eu le coup la dernière fois, on avait trop de soleil et trop de vélos, du coup on a alimenté la tireuse en plus des concerts. Soleil, évidemment, ça fait tourner la tireuse. Mais en gros, quand on part sur un festival comme ça, on a au moins 10 vélos fonctionnels. On part avec un parc de 15, on finit avec 10 parce qu'il y a eu un peu de casse. Il y a des vélos plus petits où les enfants peuvent participer aussi, produisent marginalement l'énergie mais font clignoter des lumières. Donc ces vélos-là, ils comptent pas vraiment dans la gestion globale de l'énergie, ils font de la déco. Mais voilà, avec 15 vélos, on peut alimenter un beau plateau, faire passer 10 groupes sur 2 jours avec du son pour 1000 personnes. Du son qui remue pas les tripes comme dans les gros festivals d'aujourd'hui où tu as des infrabasses qui te remuent le corps. C'est ça qui consomme le plus de puissance électrique. Donc du coup, on va privilégier un son moins grave, qui est d'ailleurs plus audible pour le public. On a souvent des félicitations là-dessus parce qu'on comprend les voix, on discerne bien les instruments et c'est pas noyé dans un brouhaha qui te fait trembler, quoi. Alors il y a ici juste en face de moi c'est ce qu'on appelait dans le temps un mini vélo, les vélos pliables, évidemment trafiqués par Nicolas Liebeau, et puis une drôle de valise en face de moi avec les plus anciens sauront ce que c'est qu'un cassettophone, et puis différentes lampes. Alors c'est là aussi un outil pédagogique, expliquez-nous Nicolas Liebeau. Ouais, alors ça, c'est un des premiers outils pédagogiques que j'ai fait, où je faisais pédaler le public en alternant deux types de lampes. Donc en fait, je vais vous demander de allez, d'essayer cette machine infernale. On y va. Alors il faut quand même expliquer, Nicolas, c'est donc ce petit vélo, vous allez nous dire avec comment il a été équipé. Et puis en face de nous, sur la table, une valise. Ça a tout l'air d'être de la récupération. C'est de la récupération, avec je disais, un cassettophone intégré. Et puis... Alors, bon, la valise, déjà, pour la petite histoire, je l'ai trouvée dans les rues Moi, je vais un soir d'encombrant. Le mini-vélo, là. Et j'y ai intégré le magnétophone que j'ai reçu pour mes 14 ans. Il fonctionne toujours, donc 30 ans après. Et bon, on va commencer par le magnétophone. Donc, je mets les pieds sur... Voilà, donc en fait, en montant sur le vélo, vous allez faire tourner un moteur, qui est en fait un ancien moteur de trottinette électrique, qui était parti à la déchetterie parce qu'il était défectueux. Et moi, je l'ai greffé sur le vélo, et en fait, en faisant tourner un moteur, c'est comme si c'était réversible, mais le moteur se met à produire de l'énergie. Et puis, ça ressemble un peu à un vélo d'appartement. C'est ça, c'est en fait un vélo d'appartement transformé avec plein de pièces de récupération. Donc j'y vais et on va voir ce que ça produit. Bon, alors voilà. Ça, j'ai arrêté, c'est parce que tout simplement j'ai arrêté de pédaler. Et voilà, quand on pédale, on fait de l'électricité, on s'arrête de pédaler, ça n'en produit plus. Donc ça, c'est un vélo qui est fait pour les enfants. Bon, là, on l'a un peu adapté pour que vous puissiez monter dessus, mais normalement, c'est des enfants à partir de 4-5 ans qui peuvent monter. Et là, justement, ils découvrent ce côté, il n'y a pas de trucage. Bien sûr. J'appuie, j'ai fait de l'électricité, je m'arrête, ça s'arrête. Alors, après, le deuxième, là, je vais couper le son, deuxième expérience qu'on tente avec ça, c'est d'allumer deux types de lampes. Mmh. Elles sont cachées par un petit voile, un peu comme si on faisait un tour de magie, on ne sait pas laquelle c'est, il y a la lampe A, la lampe B. Mmh. Je vais vous demander de pédaler, je vais allumer les lampes A. Alors ça clignote très fort. Et ensuite, j'allume les lampes B. Et là, il ne se passe rien. Est-ce que vous ressentez quelque chose ? Ah bah oui, c'est beaucoup plus... On a l'impression de monter une côte. Voilà. Alors avec les lampes B, on a l'impression de monter la Schlourte le Honeck. Et puis si je remets les lampes A... Ah là, ça, c'est facile comme tout. Ça va beaucoup mieux. Et donc j'imagine qu'il y en a... Il y a des lampes qui sont évidemment plus performantes que l'autre. C'est ça. Alors là maintenant, je vais enlever le cache, un petit peu comme dans la pub pour les yaourts ou les lessives. Et on découvre que les lampes qui étaient très faciles à allumer, c'est des lampes à LED, des lampes de dernière génération qui consomment très peu, 7 watts. Et pour faire exactement la même lumière... Celles qui étaient si dures à allumer sont des lampes halogènes pour 40 watts. Je comprends très nettement la dimension pédagogique. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Toi, tu fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Oulala, pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu sors, tu m'allumes. Le matin, tu m'éteins. Mais même si tu vas tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Hier encore, j'étais comme vous et moi, un citoyen parfaitement normal. Et puis voilà qu'un soir, j'entends les voix. C'est toujours comme ça qu'on tourne mal. Tu disais hello, chérie. Allons, n'insiste pas. Hello, chérie. Faut pas me le dire le foie. Car voilà, toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Voilà, la pour ne pas tomber dans la lubricité. Faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes. Tu m'éteins. Même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Car voilà, papa, fais-moi de l'électricité. Il y a évidemment des tas d'inconvénients par rapport à la consommation. Et comme tu marches sur tous les courants, des fois tu fais sauter les plombs. Et tu dis hello chérie. Allons, n'insiste pas. Hello chérie. Mes batteries sont à plat. Mais voilà, toi tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Oh là là, pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes. Le matin tu m'éteins. Même si tu dois te faire sauter, fais-moi de l'électricité. Toi tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Oh là là, pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes. Le matin tu m'éteins. Même si tu dois te faire sauter, fais-moi de l'électricité. Nous sommes toujours avec Vincent Foinan et Nicolas Liébeau de Pédale tes watts, ici à Ban de l'Aveline, c'est au sud-est de Saint-Dié, dans les Vosges. Vous m'avez fait travailler là, mais je l'ai fait volontiers parce que ça me permet de voir effectivement l'énergie, les efforts à produire pour fabriquer l'énergie nécessaire à faire fonctionner ce cassettophone dont on a entendu des prestations. Vincent Foinan, c'est encore une fois ça l'objectif, même s'il y a une application pratique, notamment à sonoriser des événements, peut-être au milieu d'un champ. La première des choses, c'est de bien faire comprendre aux gens que l'énergie est précieuse. C'est carrément ça, qu'elle n'est pas infinie, et pourtant on a l'impression qu'elle l'est, parce que pour allumer un misérable petit écran plat, on se rend compte que tout à l'heure tu avais du mal à maintenir la tension nécessaire pour que l'écran plat s'allume correctement. Alors qu'on en a plusieurs dans nos maisons, pour la plupart des... peut-être pas des auditeurs de cette radio, heureusement, mais voilà, des usages banals. En fait, il faut un grand nombre de cyclistes dans notre sous-sol pour fournir ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est pas l'idée de remplacer Enercop ou l'EDF. C'est bien dans des situations particulières d'avoir une démarche ludique, sympathique, de créer du lien et de parler d'énergie, de vulgariser alors, tout ça et de le faire sentir. Justement, Vincent Foinon, quand les gens pédalent sur vos vélos électriques, ou en tout cas vélo générateur d'électricité, d'abord tous ne sont pas des écolos convaincus juste là pour pédaler et pouvoir produire de la musique, en l'occurrence. Il y a, j'imagine, beaucoup de gens qui découvrent, ça fait peut-être un peu sourire au départ. Comment les gens réagissent ? Il y a vraiment différentes choses. On va dire globalement, les vélos sont toujours remplis, tout le monde se bat pour essayer. Voire même certains, ils restent longtemps parce qu'ils n'ont pas fait leur sport du samedi matin. Ben voilà. Et donc, ils en profitent pour faire un concert complet à une puissance régulière, parce que le vélo, ils en font tous les jours. Donc, pour nous, c'est des centrales qu'on adore et qui vont avoir des questions. On va discuter avec eux. Et leur réaction, elle est toujours positive. Ils sont contents et ils aimeraient avoir ça chez eux, d'avoir un concert devant leur home trainer domestique. Bon, ça, c'est marginal. Des fois, on a des... Bon, les sceptiques de tout, qui croient pas que ça marche. Donc, quand ils sont curieux et pas timides, eh ben, on leur montre que c'est vrai, quoi. On leur fait là toute la chaîne du transfert d'énergie de la jambe jusqu'à l'enceinte en suivant les fils. Et puis, souvent, quand ils sont assez curieux comme ça, ils ont aussi des bonnes notions. Donc, on peut aller un peu plus loin dans les systèmes de régulation, etc. On se fait rarement rembarrer quand même, Nico. Nicolas, rarement, on a quand même toujours des bonnes discussions avec les gens. Mais moi, c'est vrai qu'une question qu'on me pose souvent, c'est en gros, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et c'est là où on arrive à notre but, c'est-à-dire faire comprendre. Puis il ne faut pas se louper parce que souvent, les gens, on les a 2-3 minutes devant nous. Donc, et le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. C'est un peu le problème. Moi, j'ai fait des petites estimations avec tous les vélos qu'il y a ici. À un moment, j'ai essayé de faire mon café, un quart d'heure de pédalage. Après, j'ai chargé une batterie. Et de cette batterie, j'ai alimenté un convertisseur pour faire marcher mon grille-pain. J'aime bien le pain grillé le matin. Et puis là, j'étais à presque une demi-heure pour 2 tartines. Puis comme le matin, j'en mange des fois 6, des tartines, donc ça faisait déjà presque une heure et demie de pédalage dédié. Il y a une bonne faim, donc il faut un petit déjeuner. Si je pédale une heure et demie, j'aurai encore plus faim. Enfin bon. Mais donc en fait, voilà, la question, elle est-ce qu'on peut alimenter une maison avec ça ? Non. À moins d'être dans une cabane, avec des besoins extrêmement réduits, et là, ça peut être rigolo aussi. Mais ça amène une question, comment on peut faire de manière durable ? Parce qu'on sait que quelle que soit l'énergie qu'on choisit, fossile ou nucléaire, c'est limité et ça pose des tas de problèmes de gisement, de ressources et de pollution. Donc en fait, comment on satisfait nos besoins correctement ? Encore une fois, Nicolas Liébeau, la démarche de base, on l'a bien compris, c'est la dimension pédagogique et c'est effectivement, ça fonctionne parfaitement bien parce qu'on le ressent tout de suite. Mais j'ai envie de dire, lorsque Pédale Téwatt a atteint son objectif, donc d'amener nos concitoyens à déjà prendre conscience de l'énergie et de la vivre dans son corps, hein, dans sa chair, la question c'est « et après ?» Alors le « après », on n'est pas totalement responsable de ce que les gens vont faire avec ce qu'on leur a enseigné, mais on est un petit peu comme comme des sortes d'instituteurs qui transmettent des concepts de base et après on espère que les gens en font des choses bien. Mais par exemple, certains de mes vélos sont utilisés par des associations, je pense par exemple à Gaia Energy qui a fait une très belle animation où en fait ils faisaient pédaler le public pour allumer tous les appareils qu'on utilise en veille à la maison. Donc les gens venaient et puis il y avait un empilement de décodeurs, de livebox, de machin. PC, et puis les gens pédalaient en se demandant au bout d'un moment, mais pourquoi on fait ça ? Bah pour rien, comme vos appareils en veille à la maison. Et les gens peuvent être à l'extérieur, il y a 70 watts en veille à la maison. Et 70 watts, on a déjà du mal à les fournir avec un vélo. Donc voilà déjà un premier exemple. J'ai pédalé dur pour quelque chose qui fonctionne chez moi et qui ne sert à rien, juste indiquer l'heure. Parce que c'est ça en fait un appareil en veille. Donc voilà, un premier geste, la sobriété. Je ne laisse pas allumer quelque chose qui ne sert à rien. Si on a déjà fait ça, c'est un premier pas. Ouais, puis on peut aussi les aider ou les lancer sur la piste qui banquait pour que dans leur démarche de transition, ils aillent au bon endroit, quoi. La plupart des gens qui pédalent et qui pourtant sont déjà bien conscients des questions d'écologie ont encore un abonnement électrique chez EDF. Bon, bah pour moi, c'est un peu rétrograde. Ah, bah tu connais pas Enercoop, non? Bah, c'est quoi? Bah, c'est comme nous, un fournisseur d'énergie qui t'amène chez toi de l'électricité renouvelable 100%. C'est du bio et local. On peut faire ça. Quelqu'un qui pédale peut aussi avoir des questions sur sa chaudière. Ça arrive, voilà, il pense énergie, hop, il fait le lien chauffage. Bah, comme on connaît bien le réseau Grand Est des espaces Info Énergie, on va lui dire bah, appelle tel collègue en semaine, il aura le temps de discuter avec toi. Est-ce que vous avez des cas, Vincent Foinant, de gens qui tout d'un coup sont en panique au regard de précisément la prise de conscience, ou d'une espèce d'électrochoc, hein, c'est le cas de le dire, parce que en vous écoutant tout à l'heure, vous parliez de, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces vélos qu'on utilise en appartement, mon vélo d'appartement. Home trainer. Voilà, home trainer, c'est voilà, l'anglais. Quand on parle anglais. Où finalement, on fait du sport d'appartement pour éliminer un surplus de graisse. Un excès de gaspillage. Eh bien, j'allais dire, c'est quand même la quintessence de notre société. Ça me fait bien sûr penser à l'alimentation, hein, où on est dans l'excès total. Bah, la société, elle va mal, et pourtant j'ai l'impression que personne ne panique. Hein, tu parles de panique, bah, sauf les gens qui paniquent chez vous. Ça peut réveiller un truc, mais je pense pas que le lendemain même ils coupent leur compteur, ils arrêtent de faire le plein de leur voiture, ils arrêtent d'aller faire les courses au supermarché. Parce que passer de la prise de conscience au comportement, ça peut prendre du temps. Ah bah, mais en tout cas, voilà, le courant passe peut-être à ce moment-là et peut faire réfléchir. Il peut. C'est vrai que ça peut aider. Quand on se rend compte de la quantité de veilles qu'on a à la maison, qui sont de l'argent gracieusement donné à l'EDF, on leur en donne déjà assez, et ben, il suffit de deux gestes, d'un changement du câblage, d'un pauvre interrupteur, pour économiser un mec qui pédalerait en permanence. Et ben, un mec au SMIC qui pédale en permanence, il faut quand même le payer avec les cotisations sociales, au moins 250 €, hein, pour avoir un pauvre kilowattheure. Vincent Foinant et Nicolas Liébeau, qui fait appel à vos prestations pédales et watts? Des exemples? Des exemples, c'est des associations, des mairies, des compagnies de spectacle, des groupes de musique, militants pour la plupart. Qu'est-ce qu'on a encore comme client, Nico? Des demandes un peu atypiques. On a sonorisé les 10 ans d'un élevage de cochons bio, ici en Lorraine. Qu'on peut citer. La ferme du porc qui dort. La ferme du porc qui dort avec Sonia Rigaud, que nous avons rencontré il y a peu. C'était une très très belle fête et ça prenait tout son sens quand on sait que le lieu en question n'est pas pourvu d'électricité. Donc pour le coup, on est vraiment arrivé et on a amené la lumière et le son. Et même un peu plus, je dirais, puisque le groupe qui était programmé ce soir-là s'est décommandé pour raison de santé et on a dû aussi assurer le spectacle avec... En sortant des vieux disques et en faisant une scène ouverte de grande qualité. Mais voilà le genre de demande un peu curieuse et qu'on aime vraiment satisfaire parce que notre vocation, c'est quand même vraiment d'apporter l'électricité propre à la place d'un groupe électrogène. Et ça coûte combien de faire appel à Pédale Téwatt pour faire tourner des appareils, un peu d'éclairage, de la sono, des instruments de musique? Il y a tous les tarifs, c'est adapté à toutes les bourses, les grosses comme les petites. Non, en fait, on part d'une démarche, on a un prix voilà, de vendre la journée. Si on peut facturer 300 € par bonhomme chaque jour, on est content. Ça paye les déplacements, la préparation, la casse du matériel, le développement, les cotisations sociales, etc. C'est évidemment beaucoup, beaucoup plus cher que le kilowattheure. Ouais. En rigolant, un kilowattheure, c'est 20 centimes chez Enercoop, c'est 250 € au SMIC. Bon, à faire de la pelle, travail. Là, on fait une prestation intellectuelle, puisqu'on... On est dans le dimensionnement de la fête. Choisir les appareils qui vont consommer de l'énergie. Quelle tireuse je prends? Voilà, donc en amont, il y a du temps de discussion avec l'organisateur. Tireuse à bière, bien sûr, mais ouais, avec modération. Ouais, c'est ce qui consomme souvent le plus avec l'éclairage halogène des parkings. Mais ouais, c'est dur de dire un prix. Si on vient à deux pour une belle fiesta avec des vélos, une sono, des lumières... Allez, faut tabler sur 800 € et on vient dans le Grand Est où vous êtes. Nicolas Liébeau. Ouais, je rajouterais que, en fait, on vend pas vraiment de l'électricité parce que sinon on est absolument pas concurrentiel. On vend une chouette animation qui fait que les gens nous redemandent. On n'a jamais eu à prospecter, on fait que répondre aux demandes et pour l'instant c'est plutôt confortable. Et en plus, on fournit la sono. Nos premières prestations, on a été assez surpris de voir qu'on était quasiment au même tarif qu'un sonorisateur standard. Et nous, on amène le matériel et en plus l'animation qui va avec. Et surtout la prise de conscience. Et la prise de conscience, bien sûr, qui fait partie intégrante de l'animation. C'est quand même plus beau, les marques. Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi, la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller. Vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour 100 millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mais tous sa gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité, on s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière, mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire, des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère, des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. 200, 2000, 2500 degrés se transforme en lave, touche le fond de la cuve qui est en acier, le fondement en béton. Et l'interprétation de ces fumées noires, ça serait que. Il y a le. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. L'Altiwatt fournit des vélos, de la sono et de l'énergie, ou en tout cas les moyens de la produire, puisque les festivaliers, en principe ce sont souvent des festivaliers, pédalent sur vos vélos de l'Altiwatt, qui est situé ici à Ban-de-l'Aveline, c'est au sud-est de Saint-Dié, dans les Vosges. Vincent Foinant, Nicolas Liébeau, on a évoqué à l'instant quelques actions. J'aimerais qu'on... Voilà, il y a beaucoup de... Ah, j'allais dire bric-à-brac, mais c'est très irrespectueux. C'est le bordel chez Nico, c'est le bordel. Non mais parce qu'en fait, ça semble un peu, je le disais tout à l'heure, une caverne d'Ali Baba, mais on sent bien qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a surtout des objets très originaux. Tiens, voilà par exemple derrière nous, Vincent Foinant, une petite remorque. La sono solaire mobile. Décorée de petites loupiottes, ça sert à quoi et ça consiste en quoi? Et puis surtout, voilà, j'aimerais que vous commenciez par nous décrire l'objet. Alors c'est une remorque en bois, j'ai récupéré la structure dans le jardin de ma grand-mère, tout le bois était pourri, j'ai récupéré la ferraille anti-rouille et j'ai remonté une caisse en bois. J'ai choisi les dimensions pour pouvoir y loger un petit groupe électrogène, donc il y a une batterie qui est cachée à l'intérieur, il y a un onduleur qui refait de l'électricité comme à la maison. Il y a un régulateur de charge solaire et il y a un régulateur de charge vélo plus un appareil de mesure. C'est lancé dans une petite remorque qu'on mettait à coucher à l'arrière du vélo. Ouais. À l'arrière du vélo. Ouais. Mmh. Mais sans le parasol. Là. Alors le parasol, je l'ai rajouté. La petite lumière pour se déplacer. La sonnette quand on se déplace dans les manifestations. Et en fait, on peut poser dedans une sono complète. Il y a la place pour un ampli basse, une petite façade, une table de mixage. Et jouer n'importe où sur un... dans les rues. Et puis là, il y a un déambulation. Petit appareil qui mesure quoi ? Celui-ci, il mesure des ampères, des ampères-heures. Il calcule des pourcents de charge de batterie, du temps d'autonomie restant. Les informations essentielles pour guider un groupe comme ça, c'est-à-dire vérifier qu'on a produit plus que ce qu'on a consommé. Et là, du coup, l'énergie provient de quoi ? Du soleil de cette semaine. Elle a servi à la série de Machet le week-end dernier. On est reparti. Un mot sur la série de Machet, puisque vous l'évoquez. Dans cet endroit où j'ai développé les premières sonos solaires autonomes, parce qu'on n'a pas une électricité de qualité là-bas qui est faite à l'hydraulique. Et donc, pour faire marcher des appareils précieux, voilà, on a commencé à assembler ce genre de système. Appareils précieux, là aussi, ça veut dire quoi ? C'est un vocabulaire que j'ai déjà entendu. C'est du matériel qui vaut plus de 500 €, par exemple. Je sais pas, tout peut être précieux, hein, ça dépend des usages qu'on en a. Moi, ma petite sono qui rentre dans une mallette et qui me permet de passer des messages pour 500 personnes ou plus, je considère qu'elle est précieuse. Je m'en sers plusieurs fois par semaine et quand je m'en sers pas en événement, elle fonctionne à la maison tous les jours. Vous voyez dans tout ce qui traîne dans l'atelier ici, c'est beaucoup de la récupération, du bricolage et des réparations. C'est surtout très inédit. C'est sans doute la seule remorque existante au monde qui fonctionne sous cette manière-là, non ? Avec des rubans à LED et des autocollants Burstop, effectivement, sur lequel il y a au moins 7 connectiques différentes, européennes, allemandes et même Nicolas Guillemot vous arrache le micro. Oui, moi je suis assez pragmatique et plutôt que d'en parler, j'aimerais bien vous faire essayer le fameux groupe électrogène. Parce que quand on dit groupe électrogène, je ne sais pas ce qu'entendent les auditeurs, mais là c'est un vélo. Celui-là est rouge. C'est un vélo rouge. Alors celui-là, il date de 1900. Alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais il y a une tête de fourche très très particulière, sous dos brasé. On en fait plus des comme ça. Et. Donc c'est plus que de la récup là, hein, c'est une antiquité. Oui, et c'est un vélo qui était menacé de destruction puisqu'il est sorti d'une benne à déchetterie. Je place d'ailleurs un petit coup de gueule parce qu'il y a un truc qui m'horripile quand je vais dans les déchetteries. Bon déjà c'est que je ramène plus que je n'amène, mais c'est surtout le logo qui invite à trouver la benne à métaux qui est un vélo dont il manque la roue avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est quand même fou. Dans toutes les déchetteries de France, la benne à métaux est indiquée par un vélo dont il manque une roue. Moi, les vélos dont il manque une roue, j'en fais des vélos générateurs plutôt que de les mettre au fond d'une benne pour qu'ils deviennent du fer à béton pour faire des ponts d'oxygène. Et puis ça rejoint la question évidemment de la qualification de déchet qui, chez vous, entre vos mains, Nicolas, devient un objet et à part entière une ressource. Alors ce vélo est rouge. Vous ne m'auriez pas précisé qu'il date de 1900, j'aurais dit bon, c'est un vélo tout à fait normal parce qu'il est repeint, remis en état. Simplement, devant, alors, il faut donc que je l'enfourche, il faut préciser derrière, Nicolas, qu'il y a un petit triptyque, donc la roue ne repose pas sur le sol. Oui, le vélo est suspendu par un home trainer, donc ces fameux supports qui permettent de pédaler chez soi en hiver quand on est un sportif et qu'on veut préparer la belle saison. Et la roue arrière, c'est une roue de vélo électrique. Et on remarquera déjà qu'il y a une petite modification intéressante, c'est que les rayons ont été bricolés parce qu'ils étaient trop longs, tordus. Et c'est en plus une roue avant que j'ai transformée en roue arrière en fixant une moitié de moyeu. Enfin, il y a une sacrée bricole à voir. C'est une réalisation pédale Tewatt. Totalement. Nous précise Vincent Foineau. Ici devant, il y a une petite corbeille. Alors ça, c'est pas 1900, hein. Il y a une petite corbeille avec... le siège est assez haut, mais voilà que je me... La selle. Oui, la selle, bien sûr, la selle, non pas le siège. Allez, ça devrait aller mieux comme ça. Voilà, je m'installe sur le vélo. Pour l'instant, il ne se passe rien. Décrivez-nous là, ce qu'il y a sur le devant en fait, de la corbeille. Devant vous, il y a un compteur qui va indiquer la puissance en watts que vous allez produire. Alors nous, sur un événement comme un concert, on invite le public à essayer de produire au moins 50 watts. Si on a 10 vélos, on sait qu'on a 500 watts, ça correspond à peu près à la consommation de notre système complet. Donc là, vous pouvez essayer. Alors, je pédale. Voilà. Et on voit. Alors ici, l'écran là, s'allume. 5 watts, donc c'est encore pas suffisant. Là, il se passe. Là, en fait. Voilà, se... ça devient mieux. Là, 20, 36. Voilà, 55 watts. Par exemple, ça donne. C'est à peu près la puissance que consommaient les lampes halogènes tout à l'heure sur le petit vélo. Et donc, ça, il en faut au moins 10 comme moi pour faire fonctionner une. Si on prend une toute petite sono qui marche assez bien, qui rentre dans la charrette, là, entre 50 et 100 watts selon le volume sonore, le moment où il y a la basse qui joue ou pas. Et donc, un vélo comme ça plus un panneau solaire, autonomie infinie dans la rue. S'il n'y a pas de soleil qui fait nuit, bah on remplace par un vélo. Donc à deux vélos, vous pouvez déjà sonoriser. Mais il faut se mettre quand même assez loin de la scène parce qu'il y a là un bruit de fond que produit le vélo qui peut sembler un peu parasite, non ? Il y a un petit bruit avec ce vélo. Il y a des bruits variables parce qu'en fait, chaque vélo est différent. Suivant qu'il y a des alternateurs triphasés. Donc là, c'est le bruit caractéristique de l'alternateur triphasé. Je précise que le bruit qu'on entend, c'est moi qui le produis sur le vélo. Hein. On est bien d'accord. Hein. Oui. Et par contre, on place toujours les pédaleurs à une position vraiment privilégiée. C'est proche de la scène, mais pas des enceintes pour pas avoir les oreilles brisées, pouvoir rester longtemps. Des fois, des pédaleurs restent une heure sur le vélo. On a vu ça. Hein. Alors à ce moment-là, on les ravitaille en boisson. On parle d'esclaves. Où va l'énergie que je produis là ? Là, ça part dans la batterie de la charrette. Volontairement, avant que vous arriviez, on a allumé quelques lumières pour vider un peu cette batterie qui était pleine de soleil. Les lumières qui décorent la charrette proviennent de l'énergie qui est stockée dans les batteries. Bah là, en ce moment, comme on est en excédent d'énergie, c'est votre force là, qui part dans les lumières. C'est mon petit déjeuner là. Voilà, et le surplus de la consommation de ces lumières va vers la batterie. Je peux m'arrêter de pédaler ? Pas de problème, ça ne s'arrêtera pas tout de suite. Puisque l'énergie est stockée. Alors il y a des vélos qui font de l'électricité en direct, qui ont leur onduleur dans le panier de guidon. Il n'y a pas juste la mesure, il y a aussi la conversion d'énergie. Et on va mettre un pied avec 4 spots qui ne s'allumeront que si un cycliste est sur ce vélo. Donc ça sera des vélos destinés à l'ambiance, à la décoration. Alors que sur des usages de son, pour avoir une alimentation permanente et de qualité d'appareils précieux dont on parlait tout à l'heure, bah, y a les batteries qui font tampon entre les deux. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais de moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Toi, contrairement à tous les géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère, et découvrir les joies de la vie au grand air. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Vincent Foinant et Nicolas Liébeau de Pénalty Watt, comment en êtes-vous arrivé à la création de cette étonnante aventure de création de vélos et d'énergie autonome, je ne sais pas comment il faut dire les choses. Votre parcours, Nicolas Liébeau. Ben en fait, moi j'ai commencé dans une recyclerie comme réparateur d'électroménager. Ensuite, je suis devenu conseiller info-énergie. Ensuite, mécanicien cycle. Et en fait, je me rends compte que si je mélange ces trois métiers dans un shaker, que je secoue bien, à la fin, ça donne animateur de Pénalty Watt. Parce qu'effectivement, il y a le côté technique et l'électricité, la passion de transmettre et de faire comprendre les concepts fondamentaux de l'énergie. Et puis la compétence sur les vélos. Et là, j'ai la chance de faire un métier passion et je m'éclate. La juxtaposition, la mise en perspective plutôt technique et une forte sensibilité environnementale et écologique, c'est plutôt rare, ça vous vient d'où ? Ouais, je crois que c'est inné parce que je ramassais les déchets dans la rue pour les réparer, donc j'avais déjà la sensibilité aussi d'avoir été objecteur de conscience avec la Ligue de protection des oiseaux, c'est des choses qui me sont arrivées un peu par hasard, et puis la passion de la bidouille, peut-être quelque chose de famille, parce qu'il y a un atelier très encombré chez mon père, et j'ai appris aussi comme ça, et je cherche pas à savoir, je trouve ça chouette et j'aime le transmettre. Un parcours peut-être un peu différent, mais avec, on le verra aussi, beaucoup de points communs, Vincent Foinant. Ouais, on a une petite demi-génération d'écart avec Nicolas Liébeau. Donc quand il faisait objecteur à la LPO, moi je devais encore être seulement au début du collège. Moi je ne vais pas dire que ça ne se voit pas, parce que je risque d'en froisser l'un ou l'autre. Ah non, mais Nico, comme il sait tout réparer, il s'entretient bien aussi, lui-même. Bon, passons les blagues. Moi j'ai fait un bac en électrotechnique, donc appris à démarrer des moteurs, à faire des câblages. Ensuite j'ai fait de la géographie. Jusqu'en maîtrise. Et donc bah, là, j'ai une vision un peu du monde. On avait des profs qui nous parlaient de l'exploitation de lignite en Allemagne. C'était super. Et j'ai eu l'occasion de faire mon stage de fin d'études aux communes forestières de Meurthe-et-Moselle, où on bossait à l'époque sur l'après-tempête et l'exploitation du bois énergie dans des chaufferies collectives. Et là, un peu la même question. Je suis toujours un peu étonné par les points de rupture, les points de passage. Comment est-ce que vous passez d'un bac technique à une filière universitaire? En fait, le prof de maths aurait dû m'expliquer que les maths, ça permettait de faire de l'électronique, et je l'aurais suivi. Mais je préférais aller en concert le soir à Nancy, quand j'étais en première année de DUT, juste après le bac. Là. Et puis, ça n'avait pas de sens. Je ne voyais pas l'application de toute cette science dans la vie de tous les jours, l'utilité que ça pouvait avoir pour la société. Ce que j'ai trouvé dans les énergies renouvelables, en fait, est l'aménagement du territoire. Parce qu'en fait, c'est une forme de politique concrète. Comment on aménage l'espace, comment on exploite les ressources sans priver les autres de ce qu'ils avaient chez eux. Comment on partage les choses. Et puis, après, je sais pas comment j'en suis arrivé là. Les renouvelables, j'ai adoré. Et du coup, l'énergie animale est quand même la première des énergies renouvelables qui a dû être utilisée par l'homme pour travailler et déplacer les choses. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Vincent Foinant et Nicolas Liébeau, quand on est comme vous, les fondateurs de Pénalty Watt, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? C'est vous qui commencez, je crois, Vincent. Alors, vous avez entendu les débats préliminaires à l'enregistrement. On a plusieurs coups de gueule, on a plusieurs coups de cœur. Allez, moi je fais le coup de gueule. C'est par rapport à la... J'ai un gros défaut, c'est que je sais compter. Je compte souvent et je fais attention aussi aux unités. Et je me rends compte en fait de la désinformation, de l'inculture qu'a le public, les gens, la société en général face à l'énergie. Ce qui entraîne des choix pas judicieux et une déconnexion des réalités physiques. On parlait un peu de mode de vie de gaspille. Voilà. On est vraiment dans au-dessus de ce qu'on peut faire. Quoi. Donc on est obligé de piocher dans des réserves et puis finalement de détruire la terre sous prétexte de travailler toujours plus. C'est la définition de l'énergie d'ailleurs, le travail. Tout ça est un cercle un peu complexe et voilà. Souvent je suis fâché par la, la manière dont c'est expliqué aux gens. Est-ce que ça vous paraît une volonté délibérée? Je ne sais pas, on parle actuellement beaucoup des lobbies. Est-ce que ça vous paraît une volonté délibérée ou est-ce que c'est lié aussi, on le disait d'ailleurs au début de ce reportage chez Penalty Watt, lié à la complexité peut-être? Alors, apparente, vous qui êtes un technicien aussi, finalement, quand on vous écoute et quand on a pédalé sur vos vélos, on s'aperçoit que ça rentre beaucoup plus facilement qu'on comprend les choses. Ça vous paraît délibéré ou au contraire, justement, une inculture, une méconnaissance, peut-être une inculture d'ailleurs? Certaines fois, on sent que c'est volontairement délibéré. Enfin, ça dépend de sur quel média on écoute, mais c'est orienté au moins et tronqué en partie. Et d'autres fois, c'est des erreurs d'unité qui trompent tout. Donc là, c'est pas forcément délibéré. Ça peut être lié à la physique, c'est pas une chose évidente. Et puis, beaucoup de gens qui ont arrêté l'école un peu trop tôt, quoi, qui n'ont pas eu possibilité de... Ou même qui sont restés à l'école, mais qui n'ont pas compris pourquoi on leur apprenait des choses comme ça. Moi, ça a mis du temps, parce que je passe de la réalité... Est-ce que vous avez déjà invité Penalty Watt à venir... justement, faire pédaler, pourquoi pas, les collégiens, les écoliers, les lycéens dans des écoles pour faire toucher du doigt, justement, cette... on sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont évidemment très branchés, c'est le cas de le dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah bah oui, souvent. L'animation jeunesse, moi, c'est pas ce que je préfère, parce que il faut vraiment des bases de calcul mental, des choses bêtes. C'est que des multiplications, des additions et des divisions. Mais je me rends compte qu'il y a une bonne partie de la jeunesse qui a vraiment du mal avec ça, c'est triste, je sais pas l'expliquer, mais pour moi quand je dis à quelqu'un 2 x 5 il doit pas hésiter, il doit me dire 10 direct, et ça existe plus en fait, même chez les adultes hein. Je critique pas que la jeunesse, en tout cas bah, on peut espérer que la jeunesse c'est l'avenir de la France et du monde. Moi, je rigole franchement. C'était votre coup de... C'était le coup de gueule, effectivement. Votre coup de gueule, Vincent Foinant. Moi, ça m'interpelle quand même beaucoup sur... on parle souvent, bien sûr, de l'alimentation, de la ressource en eau. Peut-être que notre société n'est pas suffisamment consciente, et sans doute pas suffisamment consciente, de la ressource et de la rareté de l'énergie, parce que finalement, en réfléchissant bien, l'écologie, ce n'est rien d'autre que la circulation de l'énergie dans un système entre les êtres vivants, depuis l'énergie solaire qui est transformée par les végétaux grâce à la photosynthèse, je fais un cours de sciences naturelles rapidement, ensuite transmis par aux consommateurs, et puis quand on dit les consommateurs, sont ceux qui mangent l'herbe, ensuite les prédateurs, les super prédateurs, et puis le cycle recommence. Finalement, on est dans une société d'obésité énergétique que l'on va forcément payer à un moment donné. Et je crois que vous êtes vous-même, Nicolas Liébeau et Vincent Foinant, pas très optimistes pour notre société. Nicolas Liébeau, mon propos vous fait réagir. Oui, en fait, si vraiment le public qui pédale et qui nous rencontre devait retenir une idée, moi je voudrais qu'il retienne celle du fait qu'on vit au-dessus de nos moyens, d'un point de vue énergétique. Et voilà, après il en fait ce qu'il veut de cette idée. Est-ce qu'il a envie d'être plus sobre, plus efficace, plus économe? On espère, mais on n'a pas de leçons à donner, on est là pour alerter, pour dire il y a quelque chose de grave. L'énergie, c'est un sujet qui est important. Rendez-vous compte en pédalant. Et puis si après, vous avez compris qu'effectivement, il faudrait 30, 40 pédaleurs par personne et par jour pour satisfaire nos besoins, on voit bien qu'il y a un problème. Donc après, il faut trouver d'autres solutions. Mais voilà, c'est cette petite crème. À chacun l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. On va essayer de terminer sur une note positive. C'est peut-être une transition d'ailleurs, Nicolas Liébeau, puisque c'est votre coup de cœur. Bah moi, mon coup de cœur, il vient de mes courtes vacances qui ont commencé par un festival de cirque en Belgique, et où j'ai eu un plaisir énorme à voir déjà beaucoup de public, énormément, des jeunes... avec du spectacle vivant, donc des choses qui se produisent juste avec le talent, de l'effort, des répétitions, et tout ça sans énergie, sans gaspillage, juste à consommer comme ça, sans écran. Et puis la suite, c'était un voyage à vélo le long de la Meuse qui nous a emmené via la Belgique jusqu'en Hollande, où j'ai vu des vélos partout avec des gens de tous âges, de toutes conditions sociales. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'on touchait du doigt la solution, parce qu'il n'y avait pas ce côté... un peu marginal, de gens écolos, choses comme ça. Là, tout le monde était pour le coup avec une solution simple qu'on tarde vraiment à mettre en place chez nous, le vélo. là aussi, à vous écouter, Nicolas Guibaud, est-ce qu'il n'y a pas aussi une énorme résistance culturelle, précisément à... On sait d'ailleurs que la réflexion, enfin, votre propos me fait penser au château fort, où il fallait avoir des pierres très importantes taillées sur les côtés pour montrer la richesse. On parle aussi aujourd'hui de signes extérieurs de richesse, donc il faut... Finalement, la consommation d'énergie est très représentative de la richesse de celui qui le consomme. Dis-moi combien tu consommes, je te dirai qui tu es, finalement. Est-ce que il y a ce rapport-là, aujourd'hui, qu'il faut probablement modifier sur le plan culturel ? C'est clair que justement, voyager, aller voir d'autres pays, permet de se rendre compte de ça. Et j'invite tout le monde, dès que c'est possible... sortir un petit peu et rencontrer d'autres cultures où justement on va un peu moins entendre les moteurs vrombissants et puis se rendre compte que quelqu'un peut être juste fier et heureux d'être bien dans sa peau et de se déplacer rapidement à vélo, d'être sans forcément avoir un 4x4 surdimensionné. Merci à tous les deux, Vincent Foinant et Nicolas Liébeau. Bah de rien, Eric. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur Pédale Téwatt à Ban-de-l'Aveline dans les Vosges avec Vincent Foinant et Nicolas Liébeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de Pédale Téwatt et velectricyclette.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre « Fais-moi de l'électricité » de Joe Dassin, paru sur la face B du 45 tours, sorti en 1973, ici dans un arrangement pour chœur mixte à 4 voix et piano de et par Brice Leger, paru en clip vidéo sorti en 2016. « La fée électricité » par le groupe Zoufris Maracas, paru sur l'album « Prison dorée » sorti en 2012. Et enfin « Le vélo » par Georgette Plana, dont je n'ai malheureusement pas trouvé la date de sortie. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.